Quoi de neuf, la grande garenne ? La Caradoc à la grande garenne sur le 101.1. Un lapin pour le dîner ! De midi à 14h ! Voilà, je crois que tout est dit. Bonjour, bonjour. Bonjour Nausicaa. Bonjour. Bonjour Florence. Marie. Bonjour les filles. Salut bonjour Julia. Julia la yes, technique. Julia la technique. Nausicaa à l'animation et diffusion de tous les sons. Marie qui va faire du lien entre les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la caravane parce que nous sommes dans la Caradoc. Oui, elle ne fuit plus aujourd'hui. Oui, pourquoi elle ne fuit plus ? Parce qu'on... Parce qu'on l'a bâchée, cordée, il y a eu un gros travail de fait hier, juste avant l'émission, le petit imprévu, donc on était un peu en stress, mais là, c'est bien détendu, la Caradoc est aux normes, hein, on peut le dire, très sécurisée, très, très, très confort. Oui, c'est mieux qu'hier. N'est-ce pas ? On est bien. Vous êtes bien dans la caravane ? Ouais, ça va. Ça va. Ça va, il y a les gâteaux, il y a du sucre, il y a les gâteaux, il y a les olives, il y a les dates. Merci Laurence pour les gâteaux, les olives, les dates. Oui, merci. Nous aussi, on a... Ah, le café. Il y a du thé dehors. Le café est dehors. Et bonjour aux personnes qui sont à l'extérieur de la caravane. Coucou. Et qui nous écoutent. Bonjour, bonjour. Alors, je vous propose de commencer cette émission par une petite carte postale. C'est ça. Et on ne vous en dit pas plus pour l'instant. On peut lancer le son. Oula, je vais être en retard si c'est comme ça. Est-ce que tu peux remettre le PAD, s'il te plaît ? Le PAD, c'est l'enregistrement que vous entendez. C'est deux fois deux voix. Bonjour, papy. Je t'envoie quelques nouvelles d'Angoulême. Je suis arrivée avec la Caradoc, je t'en avais parlé. C'est la caravane avec laquelle on part en vacances. Là, au programme, c'est vacances d'hiver à Angoulême. On a trouvé une place de camping devant la MJC du quartier de la Grande Garenne. On a refait l'électricité il n'y a pas longtemps, mais on se retrouve avec des fuites d'eau dans le toit. Ouais, parce que niveau météo, on n'est pas gâté. Bref, on nous a gentiment proposé d'utiliser les locaux du centre social et on est à l'abri pour dormir. On a rencontré pas mal de monde, des petits, des grands, des jeunes, des moins jeunes. Le soir, on peut jouer au domino à la lumière des lampadaires en apprenant l'arabe. Ça nargue, ça chambre, ça parle de tout. On se sert pour se réchauffer. Dans la journée, ça joue aux 8 américains. Ça fait passer le temps dans le hall d'entrée, à côté de la machine à café. J'ai pas encore tout compris à ce jeu, mais à la fin de la semaine, je serai calé. Il y a toujours du passage devant notre emplacement. Les gens fument. Ça sent super bon, ça parfume la caravane. Bon, c'est parfois difficile de s'entendre avec les voisins, mais on y arrive de mieux en mieux. On arrive de mieux en mieux à se comprendre. Finalement, notre base est en cuisine. C'est autour des plaques que ça tourne dans tous les sens, que ça s'affaire et qu'on partage les rencontres de chacune. Les portes sont ouvertes et on discute autour d'un petit-déj, d'un plat en préparation ou d'une vaisselle. La deux fois deux voix passe juste à côté. On l'entend en permanence. D'une certaine manière, ça rappelle la mer ou le bruit du vent dans les arbres. Je vais me renseigner pour des prochaines vacances sur une aire d'autoroute. Gros bisous. Eh ben merci beaucoup Flo. C'est trop bien cette carte postale. Et ben et vous alors, votre carte postale c'est quoi pour le jour ? Julia qui a dormi ici ? Qu'est-ce que t'en penses de l'accueil à la Grande Garenne ? C'est quand même pas mal. Super accueil, super accueil. Je pense que quand je reviendrai ici, je me sentirai un petit peu chez moi. Ça y est. Ça, c'est grâce à la cuisine un peu, parce qu'elle est trop bien et il se passe plein de trucs dedans, dans mais notre équipe. C'est ce qu'on s'est dit aussi, parce qu'hier, on a fait un coucou au studio quand même avec Julia. Donc on est allé à Radio Ad-Hoc et du coup on a parlé de la Car Ad-Hoc, il y avait Nausicaa et voilà, et donc avec Julia au bout d'une demi-heure on s'est dit bon faut qu'on y aille parce qu'il faut qu'on monte et tout, donc on est rentré à la MJC, on est arrivé, on est oh là là, on est comme à la maison quoi. Eh ben super, est-ce qu'on présenterait pas le programme du jour? Le programme du jour, alors la thématique Laurence, c'est quoi la thématique? Attention suspense, on a un petit son pour présenter. Oui, vendredi, de midi à 14h, devant la mosaïque avec la Car Ad-Hoc 101.1. Le début de ce PAD, c'est de ce jingle, c'est on s'écrit. Ah, il est pas passé le début. Bah non, il est pas passé. Mais vendredi, c'est un petit jeu de mots entre s'écrier et s'écrire. Voilà, pour parler de la différence entre écrire, parler. Et voilà, et on va parler de tout ce qui est écriture dans le quartier, tout ce qu'on a trouvé. On l'a rassemblé dans des petits sons. On a invité des gens qui vont nous parler de cette thématique. Oui, il y a plein de personnes dans la caravane. Il y a plein de personnes dans la caravane. On va vous présenter après. Oui, on vous présentera. Et on va aussi parler de ceux qui n'écrivent plus. Oui, et qui parlent depuis. Et qui parlent. Et qui parlent. Et qui parlent et qui écrivent, mais... ou alors qui n'écrivent plus, mais qui parlent. Ou qui... Ah, Flo, on est perdu. On va aussi parler de ce qui est écrit dans le quartier. Sur les murs. Sur les murs. On va parler des gens qui apprennent à écrire et à parler français. Et puis, puis on verra peut-être au cours de l'émission ce qui se passe. Ouais. Avec des petites surprises en direct. Voilà. Qu'on va attendre. Et mais pour l'heure. Pour l'heure. Je Qu'est-ce qui se passe? Passer les micros aux personnes qui sont dans cette caravane. Alors, est-ce qu'on peut prendre le micro de Marie? C'est pas le plus long. C'est pas le plus long. Alors, peut-être pour... Corinne va prendre ce micro qui a un câble plus court. Alors, bienvenue dans la Car Ad-Hoc. Qui êtes-vous? Bonjour, Laurence, MJC de la Grande Garenne. Merci de nous accueillir. Coucou Laurence. Coucou. Alors, Laurence, Big up. Tu es de nouveau parmi nous parce que, en fait, on accueille aujourd'hui les personnes qui organisent et qui participent à un atelier d'écriture le samedi matin. Et donc, c'est pour ça que je me permets de dire que tu reviens parce que tu es venue hier. Tu reviens parce que tu participes à ces ateliers d'écriture le samedi matin. Exactement. Et voilà, j'adore la Car Ad-Hoc. Donc, j'adore être avec vous. Donc, je reviens. Mais pas pour la même thématique. Pour l'écriture. L'atelier d'écriture. Donc, qui nous a été proposé par l'association Au fil des femmes. Donc, il y a Michel Bouscari qui est avec nous et puis qui a accompagné cet atelier par Corinne Messa. D'accord. Ah là, il faut corriger, il faut corriger. Alors, Corinne. Mesouna, bon, s'il Mesouna. Te plaît, ça serait sympa, merci voilà. De le prononcer. J'allais la faire, ça y est, ah, Mesouna, donc qui nous accompagne tous les samedis matins avec un groupe de femmes. Donc je vais passer la parole à Michel. Bonjour Michel. Bonjour à tous et merci beaucoup. Moi je suis le trésorier d'Au fil des femmes et je suis l'un des initiateurs avec Corinne de ce projet qui est un projet d'écriture. Alors c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à se développer, beaucoup de temps à se concrétiser parce qu'on était un peu ambitieux et on avait envie que ce soit un beau projet, que ce soit un projet qui soit complet, qui soit réalisé dans la bonne humeur, dans la joie. Et puis on a rencontré aussi la Mosaïque hein, qui nous a tout de suite accueillis et qui a dit c'est un projet génial. Alors c'est quoi ce projet? Ben, c'est tout simplement d'écrire. Que des femmes qui arrivent d'horizons lointains, qui parlent français ou pas, d'ailleurs peu importe, qui sont de notre culture ou pas, peu importe, puissent dire pourquoi elles sont là et comment elles le vivent, comment elles le perçoivent, comment elles le ressentent. Et des fois les parcours de vie ne sont pas simples, mais ça ne fait rien, elles sont en train de l'écrire, elles sont en train de le peaufiner peu à peu, d'apprendre à être elles-mêmes par cette écriture. Et on l'a fait surtout avec Corinne qui est journaliste et qui nous donne un énorme coup de main, qui fait un travail extraordinaire. Et c'est à elle maintenant que je vais demander de parler un peu de cet atelier. Bonjour à tous et à toutes. Alors merci à la Car Ad-Hoc effectivement de nous accueillir et de nous avoir offert un micro pour parler de cet atelier. Merci à Laurence de nous avoir accueillis dans ses locaux. Merci à Michel de m'avoir confié cette mission. Le Plume et Compagnie, l'atelier d'écriture, c'est d'abord une rencontre, une très belle rencontre avec Au fil des femmes qui a eu l'envie de ce projet. Ensuite, une seconde rencontre, c'est celle avec les femmes qui ont bien voulu participé à l'élaboration de ce magazine. Parce qu'on crée un magazine, mais c'est elles qui le font. Donc, on ne fait pas pour elles, on fait avec elles. Et donc, voilà, ce sont que des histoires de rencontres où elles livrent leur parcours, leur vie. D'abord à l'oralité, donc c'est se confier, c'est pas facile. Avoir confiance, c'est encore moins facile. Donc l'atelier leur propose un espace de parole, de confiance et de confidentialité auquel on tient pour qu'elles puissent se livrer tranquillement. Donc on a eu la chance, si c'est une chance, d'avoir de très beaux cadeaux de confidence sur ce parcours qui est pour aussi divers soit-il, suivant leur culture, leurs origines. Ce sont quand même des moments d'émotion, ce sont aussi des moments où nous, personnes épargnées par l'exil et personnes épargnées par leur parcours, par nos vies, on n'a pas connu le quart du dixième de ce qu'elles vivent, eh bien on reçoit ça, voilà, on reçoit cette parole et il faut qu'elles passent maintenant à l'écriture, ce qu'elles sont en train de faire. Entre parler et écrire, c'est encore une autre dimension. Et elles y arrivent très bien. Voilà, c'est très, très divers. On passe de très bons moments. Laurence nous abreuve de ses gâteaux. Samira aussi. On prend 15 kilos à chaque atelier le samedi matin. Enfin, c'est parfait. On mange des crêpes algériennes. Après, voilà. On apprend aussi à faire des tresses. Elles ont des coiffures toujours différentes. Elles sont frisées. Elles ont les cheveux courts. Elles ont des perruques. On est gâtés. Et voilà. Justement, pourquoi, du coup, vous disiez que c'était d'abord la parler et ensuite écrire, mais pourquoi cette finalité de l'écriture? Pourquoi cette proposition d'un magazine? Parce que du coup, c'est venu de vous, je crois, au fil des femmes. Oui, oui. En fait, au départ, l'idée d'origine, il faut être très clair, c'est Corinne qui me l'a susurré dans l'oreille un jour. C'est vrai. Tout à fait. Et ce petit déclic. En fait, c'est ce petit déclic qui a permis de tout démarrer, parce qu'instantanément, ça a fait une résonance formidable. Je me suis dit, oui, écrire, parce que écrire, c'est le moyen de poser quelque chose. L'oralité, c'est formidable, mais l'oralité, c'est un moment qui passe et qui disparaît. Par contre, l'écrit, c'est quelque chose qui se pose, qui doit se réfléchir, dont chaque chose et chaque mot, chaque tournure de phrase va être réfléchi et qui finalement va poser un parcours et va dire « je suis là ». Et ce « je suis là », j'existe dans cette société qui est pourtant si différente et j'ose le dire, ça nous a paru, nous, au fil des femmes, dans la droite ligne de tout ce qu'on essaie de faire. Au fil des femmes, c'est une association qui essaye de dire que les femmes de quartier, elles ne sont pas là simplement pour dire « nous sommes malheureuses », elles sont là pour dire « j'existe ». Et pour nous, c'est beaucoup plus fondamental. Oui, laisser une trace, c'est aussi être actrice de son histoire. Et ça, c'est très important. Quand on pose, et Michel a tout à fait raison, poser des mots sur une histoire, c'est faire un travail de résilience. C'est aussi laisser cette trace, pouvoir dire aux autres femmes, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui m'est arrivé, mais voilà où j'en suis aussi aujourd'hui. C'est la thématique était ma vie en France, donc on est parti de là. Voilà. Super. On a des personnes justement qui ont participé à cet atelier ici. Et est-ce que vous voulez prendre le micro pour vous présenter? Vous êtes trois. Tu veux commencer? Bonjour. Oui, merci. Moi, je m'appelle Julienne. J'habite à la Grande Garenne. Donc, je suis parmi les gens qui fait l'atelier là, Plume m'accompagner. Ouais, pour l'écriture, voilà, donc c'était un atelier qu'on a trouvé très riche pour nous. Parce que, comme Colline l'a dit, on vient partout en Afrique et même dans tous les coins du monde. Donc, on a des choses à apprendre ici en France, surtout ce qui concerne la culture française, pour mieux s'intégrer à la vie ici en France. Et aussi, mais nous aussi, on a des choses qui vient de notre culture, qu'on voit que c'est très riche, pas que pour nous, en tant que de telle origine, mais pour le monde entier. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on profite de l'occasion, l'opportunité de cet atelier pour partager ce qu'on a, que ce soit ce qu'on peut faire des autres apprendre, ou bien d'avoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des autres et qui ne sont pas là. Donc, on est là comme les porte-parole de l'envie de trois, quoi. C'est pour ça que voilà, on a dit si on parle, oui, c'est bien, mais si on passe à l'écriture, ça peut rester longtemps et ça peut arriver plus loin qu'on passe. Merci, je peux passer la parole. On passe le micro. Bonjour. Moi, je suis Amos Kofi. Je participe à l'atelier Plume Écriture. Cet atelier vraiment nous fait beaucoup de bien parce que ça nous permet de nous exprimer. Comme a dit Laurence, nous venons de divers horizons et nous apportons notre culture aussi à cet atelier-là. Aujourd'hui, nous sommes là, comme a dit Julienne, nous sommes là comme les porte-parole de toutes celles qui ne sont pas venues avec nous. Et bien, nous trouvons que cet atelier est vraiment enrichissant et vraiment nous apporte beaucoup de bien. Et cette Caradoc est arrivée à point nommé pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir exprimer tout ce qu'on ressent, parce que nous sommes, voilà, tout ce que nous avons écrit, parce que voilà, nous savons que écrit, ça reste, l'écrit reste. Nous sommes vraiment heureuses de participer à cet atelier et de venir et d'être avec vous. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous en ce jour. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samira. Je suis algérienne et j'ai l'honneur de participer à cet atelier et surtout avec la bonne équipe, Michel, Corinne, Laurence, Barca. Là, je me sens vraiment que je suis avec ma famille. On a de l'ambiance, on a la confiance. Vraiment, je serai tous les samedis heureuse. Ah bah c'est super. Et je suis heureuse de participer à cette Caradoc, oui. Et j'étais à l'aise avec les filles et surtout celle-là qui s'appelle Nausicaa. Un joli nom. Et j'aimerais bien. Alors cet atelier nous a permis de s'exprimer, de parler, même si on a des difficultés en oral, on peut s'exprimer par écriture. Et on dit tout ce qu'on a. Alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment qu'on passe un bon temps chaque samedi. Et moi, je suis curieuse de savoir si vous aviez déjà écrit vos histoires dans votre langue d'origine. Est-ce que vous aviez déjà écrit ces histoires ? Moi, quand ça sera difficile pour moi pour m'exprimer en français, j'écris en arabe et je passe à la traduction. D'accord. Et c'est vous qui faites la traduction ? Oui. D'accord. Je suis curieuse, j'aime bien avoir de plus et j'aime bien écrire. Alors là, si on n'est pas avec l'atelier d'écriture, je te promets qu'on va oublier d'écrire. Parce que maintenant, c'est par SMS, par... C'est de l'écriture aussi. Mais... Oui, c'est par écriture et je souhaite une bonne continuation pour notre atelier. Merci. Et est-ce que l'écrit, ça vous a permis d'avoir plus de facilité à vous exprimer à l'oral comme aujourd'hui par exemple? Oui. Est-ce que vous vous exprimiez moins à l'oral avant Oui, quand tu écris, tu dis tout. Même si on a des fautes, il y a qui nous corrige. C'est pas facile pour nous, mais toujours on a l'aide de... Je t'ai dit, c'est des membres de ma famille maintenant. Hein. Ce n'est plus les gens de l'atelier d'écriture. Ils nous aident à s'exprimer, ils nous aident à faire des fautes. Même moi, quand je parle, quelquefois, je fais des fautes. Alors, je demande, est-ce que je parle bien ? Corrigez-moi. Et ça, tu vois, notre but, c'est de s'intégrer surtout. J'aime bien m'intégrer. J'aime bien qu'on ait la culture du pays qui nous accueille, tu vois. Et je suis curieuse d'avoir plus. Même, je fais des cours de français. Et d'accord. Toujours avec, grâce à l'MJC, de la Grande Garenne, au Beckett. Oui, elle va nous parler des correspondances. Oui. Alors, Marie oui. Me dit qu'il y a un petit son où Samira oui. va nous parler des correspondances. Voilà. Oui. Donc, on va vous entendre tout à l'heure. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Merci. Je suis assez aussi curieuse de savoir, pardon, mais dans quelles conditions vous écrivez ? Parce que j'ai compris que dans l'atelier, vous parliez beaucoup, vous échangiez. Mm-hmm. Et donc... Quand est-ce que vous écrivez ? Vous écrivez chez vous ? Vous avez une pièce où vous vous isolez, pardon ? Oui, on écrit chez nous. D'accord. Et après, on cherche ces documents qu'on a écrits pour passer à Michel ou Corinne ou qu'elle va, surtout à Corinne, c'est elle qui va vérifier tout, si on a fait des fautes, elle nous aide. Et après, elle nous demande de s'exprimer qu'est-ce qu'on veut dire exactement pour qu'elle fait l'idée juste, ce qu'on peut dire. L'interprétation de réinterpréter, retraduire. Oui. Et moi, chez moi, je travaille traduction Google et je traduis. Malgré qu'on a des mots en arabe, ça ne veut dire pas le même sens qu'en français. Il faut un peu... C'est super la traduction comme travail. Oui, hein. oui. Surtout d'une, d'une culture à l'autre et d'un d'une langue à l'autre. C'est... On a quelques mots qui sont le même sens, mais il y a d'autres mots qui changent complètement le sens. D'accord. Mmh. D'accord. C'est compliqué pour d'une culture à l'autre, la traduction, effectivement, parce qu'elles ont. Je leur demande beaucoup de livrer leurs sentiments et leurs ressentis, de ne pas rester uniquement factuel sur le déroulé chronologique de leur vie. Et surtout que ce sont des choix parfois subis, des choix de vie qui ont été compliqués. Et donc, je leur demande d'exprimer ce qu'elles ressentent, vraiment. Même avec des fautes, elle nous demande. Même avec des fautes. Ah oui, les fautes, c'est pas grave. C'est sortir, mettre des mots sur des sentiments, c'est ce qu'il y a peut-être de plus compliqué. Et vous, Hermance, pardon. Les fautes de français, moi, j'en fais encore alors que c'est ma langue. Et vous, Hermance, qu'est-ce que ça vous a fait d'écrire pour la première fois dans cet atelier? Quand vous avez pris votre stylo, qu'est-ce que ça vous a fait? Ah, ça, c'est une très belle question. Ça m'a permis de me dégager, si vous voulez, de m'exprimer, de montrer tout ce que j'avais dans le ventre. Je pense que cette écriture, comme je dis, nous a fait beaucoup de bien parce que ça nous permet de nous libérer l'esprit. Voilà, donc c'est ce que l'atelier m'a apporté en fait. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous écrivez aussi pour vous, ça vous fait du bien? Bien sûr, ça me fait beaucoup de bien parce que j'écris pour moi. J'écris, ça me fait beaucoup de bien. D'accord. Laurence ? Oui, je voudrais faire un lien avec la thématique que vous avez proposée. C'est vendredi, on s'écrit. Et il y a un double sens, hein, on s'écrit. C'est on s'écrit comme Flo a écrit la carte postale à son grand-père. Donc cette correspondance, mais il y a aussi on s'écrit, le s'écrire soi-même. Et du coup, l'atelier de Plume et compagnie, je pense que c'est ce sens-là, c'est que chacune de ces femmes s'écrit. Donc elles écrivent leur histoire et voilà, elles confient tout le bienfait que l'écriture a après la parole. Donc ça, c'est un temps de l'atelier, mais Corinne, à la fin du premier atelier, elle a demandé à chacune, elle nous a demandé d'écrire un petit papier sur ce qu'on avait envie de dire, de ce qu'on pensait, une émotion de la fin de l'atelier. Et de manière anonyme. Oui. Et du coup, ce petit papier, il était consigné dans une boîte. Et il était lu, ils sont lus que la semaine suivante. Donc, je vais laisser Corinne compléter. Alors, pourquoi elle nous a proposé ça. Oui, et après, on pourra parler de cette boîte et d'où l'idée vient, avec Julienne, je pense. Alors, oui, j'avais envie qu'à un moment donné, elles puissent, à la fin de l'atelier, livrer leur ressenti, comme ça, jeté sur un papier sans réflexion, mais de façon anonyme, et pouvoir dire aussi ce qui allait ou ce qui n'allait pas, et qu'on puisse en rediscuter la fois suivante. Et du coup, c'était au départ une boîte à secrets. Voilà, on l'avait nommée boîte à secrets. Puis après, Julienne est arrivée, je leur ai demandé aussi, pour pouvoir démarrer l'écriture, de partir d'un objet auquel elles tenaient, ou qui leur rappelait leur histoire, ou qui était symbolique, que ça soit une photo, un bijou, un objet de décoration, quelque chose qui soit vraiment en lien avec elles et leur histoire. Et elles sont arrivées toutes avec quelque chose. Et Julienne nous a apporté un agasaké. Alors l'agasaké, elle va être plus à même que moi de l'expliquer. Du coup, vous allez comprendre pourquoi on a renommé cette boîte à secrets agasaké, dans laquelle se livrent plein de jolies phrases. Et voilà. Donc Julienne, explique-nous ce qu'est un agasaké du Rwanda. Oui, merci Corinne. Oui, comme tu viens de le dire, moi j'ai choisi agasaké comme... un symbole qui peut m'aider à démarrer mon histoire et m'exprimer et que tout le monde qui peut voir ce symbole-là sur, dans notre magazine, qui peut directement comprendre c'est quoi Agaseke, où est-ce qu'on peut trouver le vrai Agaseke, parce que ben, pour le moment, il y en a ceux qui peuvent les garder, mais je pense que ça ne pouvait pas être la même chose que l'Agaseke du Rwanda. Donc, Agaseke, ça, c'est une sorte de, d'une petite panier. Ça fait une grosse... Donc, ça joue une grosse... un grand lore dans les cultures rwandaises. Parce que Agaseke, c'est une panier qu'on... C'est les femmes rwandaises qui les fabriquent elles-mêmes. Une fois que Agaseke est fini, il faut faire aussi le chapeau pour bien fermer. Donc, pour nous, dans notre culture, ça symbolise la paix. Une fois que c'est fermé, c'est-à-dire que dans l'Agaseke, il y a la paix, en même temps, ça symbolise le secret. Donc, dans beaucoup de maisons, ils les trouvent, on les utilise comme la décoration, mais aussi dans notre emblème du pays. On a cette symbole d'Agaseke, même dans notre monnaie. Ouais. Donc, c'est pour ça que dès que je les ai expliqués à Agaseke, moi aussi, je voyais que ma vie, c'était un Agaseke. Quoi. Voilà. Donc, avant, il y a là où j'étais, je pense que j'avais mon Agaseke, mais beaucoup de trajets qu'on traverse. Aujourd'hui, je suis en France et je ne sais pas demain, je serai où. Avant, j'étais dans mon pays, au Rwanda, mais... Là, je vois ma vie ici en France. C'est comme si mon Agaseke du Rwanda, un jour, il était ouvert. Mais là, je suis sur le point d'encore réformer, faire mon Agaseke. Donc là, c'est notre secret. Ça symbolise de la paix confidentielle, comme on a dit. Ouais, voilà. Donc c'est très bon signe. Ouais. D'accord. Et partout là où vous allez passer, on montre quand vous voyez Agaseke. Je vais vous montrer l'image après, oui. Ah oui. Mais Agaseke, ouais, je vous souhaite que vous aussi, votre vie soit comme Agaseke. Eh ben, merci beaucoup. Et peut-être avant de parler un peu plus de ce qu'il y a dans cette boîte à secrets, si c'est possible, Samira et Armand, est-ce qu'on peut savoir les objets que vous aviez emmenés, si ce n'est pas trop indiscret? Ben non, moi j'ai emmené ma bague de fiançailles, parce que c'est une autre vie. Quand j'étais jeune et quand je suis mariée, tout est changé pour moi. Alors ça, c'est le symbole de que ma vie était changée carrément. D'accord, d'accord. Merci. Et vous, Hermance? Ben moi. Non. Ah, il faut pas dévoiler. D'accord. D'accord. Oui, l'éléphant. Est-ce qu'on peut... Il y a des petits secrets, la boîte à secrets. Comme on a dit, c'est une boîte à secrets, donc il y a des secrets qu'on doit... Voilà, on peut garder ça secret. Voilà, si vous voulez, on peut garder ça secret. D'accord. Ah, donc on peut avoir l'image de l'Agaseke. Voilà. Bah, très bien. Est-ce que vous voulez nous dire des petites choses de la boîte à secrets? Alors, samedi dernier, lors de notre dernier atelier, on a choisi collectivement les phrases qui avaient été écrites depuis le début de nos rencontres. Donc, voilà, elles sont pour vous. Grâce à cet atelier, on se construit nous-mêmes avant de reconstruire les autres. Ensuite, qu'est-ce qui a été dit? Alors, l'espoir des femmes, c'est une vraie ouverture qui nous donne la force et nous permet d'ouvrir la porte de l'espoir qui est encore en nous. Cet atelier, c'est un atelier de soulagement. Vous voulez lire quelques phrases, Samira, Hermance et Julienne? Ah oui. Un jour, nous rions. Un jour, nous pleurons. C'est ça la vie. Et après, Hermance, encore un petit mot. Jamais perdre l'espoir dans la vie. Ne pas avoir de regrets, rire tous les jours. Merci. Julienne? La peur n'est pas un obstacle au succès. Corinne. Ah, c'est la dernière. Toujours plein d'émotions, arrêtons de pleurer, l'avenir est devant nous. Ah, une autre dans la mémoire de Samira. Oui, alors, c'est à toi. La vie est comme un piano. Et elle est noire et le blanc. Et pour faire une mélodie, il faut les deux. Il faut jouer les deux pour avoir une bonne mélodie. Ouais, bah bravo pour toutes ces phrases. Merci. Merci. Et merci, merci beaucoup pour ce moment. Est-ce qu'on peut savoir quand le premier numéro sortira ? À peu près. Michel. Alors, ça c'est toujours un moment un peu compliqué parce que l'écriture c'est pas facile et que fatalement, vu la multiplicité des histoires, vu la multiplicité des choses à dire, on a pris un peu de retard. On espère bien arriver à sortir ce numéro, on va dire mi-février, fin février. Il y a encore un peu de travail en termes de mise en page, en termes de travail, tu veux dire, d'architecture du document lui-même, hein. Mais ça va venir, ça va se faire. Et il y a encore les photos qu'il faut faire. Enfin, il y a encore beaucoup de travail, j'ai envie de dire, de travail de contenu. Même si l'écriture est quasiment achevée, il va falloir qu'on finalise. Il va aussi falloir voir comment on va le diffuser. On ne sait pas encore. Il va falloir voir comment on va l'imprimer. Il y a plein encore de choses à découvrir. Hein, et cette chose qu'on va découvrir, on va le faire avec les femmes qui font l'atelier. Eh ben, merci beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rester dans la caravane. On va continuer l'émission jusqu'à 14h sur le thème de l'écriture. Soyez libre de partir, revenir, aller manger, grignoter, discuter dehors, rentrer. Cette caravane est une caravane très ouverte. Merci encore pour votre participation. Et Julia, je te propose de rester avec nous sur le 101.1 FM et sur Radio Adoc sur le web. Je vais passer un petit jingle, une musique. Et puis on pourra parler un peu de chansons. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais, Nausicaa ? Alors, on vous mijote des petites émissions de midi à 14h à la Grande Garenne devant la MJC. Il ne faut pas rater ce moment. Dimanche, c'est repas partagé dans la Caradoc. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fêtes. ont fait ce qu'elles ont pu. Et vous êtes toujours sur le 101.fm, je ne sais pas si non, c'est celui-là. Vous êtes toujours sur le 101.fm dans la caravane radiophonique devant la MJC La Mosaïque. Ah, et où le bleu ? Le bleu, il est nulle part. Il est nulle part, le bleu. Et le blanc est avec moi. Super. Alors, je voulais juste vous dire pourquoi j'avais choisi cette chanson. En fait, on parlait des écritures aussi qui nous touchaient quand on préparait l'émission. Et moi, les gens qui doutent, ça fait 3 mois que j'essaie de l'apprendre, de la chanter et de la jouer à la guitare. Elle est un peu compliquée, donc j'y arrive pas toujours très bien. Mais c'est une chanson qui à chaque fois me fait beaucoup de bien, parce qu'elle parle de personnes qui doutent et elle dit que le doute, c'est pas, enfin, en fait, ça fait partie de la vie, que c'est pas grave et faut pas toujours s'affirmer, faut pas toujours aller au devant. On peut aussi avoir des hésitations et douter, ne pas savoir faire des choix et que peut-être que c'est ça qui est beau aussi. Voilà, et je voulais savoir, enfin, vous demander s'il y avait des textes comme ça ou des chansons qui vous avaient marqué ou que vous aimez écouter quand vous êtes dans une émotion particulière. Oui, bien sûr. Il y a des chansons, surtout moi particulièrement, j'aime bien les chansons. Tout ce qui est chansons, j'adore. J'aime bien écouter les paroles, quels messages. Oui, il y a les chansons, évidemment, qui, quand je l'écoute, et voilà, ça me soulage. Ça dépend. Quand je suis contente, j'ai des chansons que j'aime bien écouter. Quand je me sens un peu triste, et oui, il y a des chansons que j'écoute donc qui me remontent le moral, oui. Est-ce que vous pourriez nous en donner un exemple ? Est-ce qu'il y a une chanson, même pas française, mais une chanson que vous aimez particulièrement écouter ? Oui, c'est une chanson, c'est gospel. Non, c'est les chansons de l'église et donc qui parle que donc au-dessus de tout ce qu'on voit, il y a Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui t'arrive, voilà, il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas que tu te casses la tête, que tu dises que c'est fini. Il faut toujours les garder devant, ouais. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut partager une autre chanson, peut-être ? Non, pas forcément. Alors, on a... Il y a Kader qui veut freestyler. Non, moi, j'avais juste, en fait... Bonjour, Kader. Un petit mot, en fait. Ok, alors Kader veut ajouter un petit mot avant de freestyler dans le micro. C'était quoi déjà qu'il fallait dire en fait ? Ouais, voilà, moi ce que je voulais te demander, c'est à propos de tes correspondances, parce que du coup tu m'as dit que tu avais passé du temps en prison. Ouais, voilà. Et du coup, ça m'intéressait de savoir si tu avais pu correspondre avec ta famille, si tu leur avais écrit, si eux ils t'avaient écrit. Et tu m'as dit que c'était surtout eux qui t'écrivaient. Ouais, voilà, en fait. Donc. Je veux bien que tu mettes devant ta bouche. Donc je suis arrivé à un stade où j'ai dû devoir recevoir du courrier. Donc je me disais que ça faisait du bien déjà en plus pour commencer et que ça rapportait beaucoup de réconfort. Et que, voilà. Et c'est qui t'écrivait de tes proches ? C'était ta famille, tes parents ? Tout d'abord, ça a commencé par un copain qui m'a fait un peu rigoler, en fait. Et vu qu'il m'a fait rigoler, ça a suivi, en fait. J'ai reçu une autre lettre qui correspondait à... La première lettre, en fait. Et il rigolait de quoi ? C'était quoi, il rigolait ? Hein ? Alors là, il y en a un qui vient de passer une tête par la porte de la caravane, qui prend des snaps et qui se marre. C'est pour ça qu'il y a un petit bug de Kader, mais on revient à toi correspondante. Ouais. Non, mais du coup, c'était juste pour dire que, en fait, vu que c'était un peu dur et tout ça, et que ça m'avait réconforté, c'était pour dire que... Donc l'écrit ça fait du bien, les lettres ça fait du bien. Ouais. Et tu te rappelles ce qui t'avait fait marrer dans la lettre de ton pote ? Vu que j'étais en train de regarder un bon truc à la télé. Ou ouais, un truc de ce genre en fait. Ouais, c'était un bon moment en fait. C'était une bonne heure pour recevoir une lettre et apprécier le moment. Et t'as passé 8 mois en prison, c'est ça ? Ouais. Ouais. Mmh. Et pendant 8 mois, t'as reçu des lettres ? Ouais, voilà, ouais. J'ai reçu, ouais, des lettres, ouais. Et t'en as pas écrit du tout ? Hein ? T'en as pas écrit du tout ? Alors, Kader est en train de manger une cacahuète. Ouais, j'ai un peu dessiné en fait. Ouais, excusez-moi. J'avais un peu faim. Ouais, du coup, non, il y avait, ouais, on ressentait le plaisir en fait. D'accord, même, mais même pour écrire ou ah oui, ou faire des vannes, par exemple. Et il y a pas les surveillants qui lisent un peu le courrier des détenus ? Est-ce qu'il y a un passage par les surveillants ? Ça se peut, hein. Ça se peut beaucoup, ouais. Ouais. Mais en fait, ça, du coup, ce serait pas plutôt le but, en fait. Parce qu'on sait pas toujours ce qui se passe. Et tes vacances à Dubaï. Ok. Hein, tes vacances à Dubaï. Et est-ce que Kader, t'as continué à écrire une fois que t'es sorti de prison ? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimais bien faire et que t'as continué à faire ? Ouais. Beaucoup, beaucoup. Donc tu continues à écrire ? Bah en fait, si je pourrais même écrire un livre. Non, pas écrire un livre. Juste raconter ce qui s'est passé en fait. Et c'est tout quoi. D'accord. Bah, peut-être qu'on aura l'occasion de lire ce livre un jour. On espère. Merci Kader. Merci pour ton témoignage. J'espère beaucoup. Ouais. Alors, pour, merci à toi. En transition, on vous propose d'écouter un petit bazar sonore. Alors, on a enregistré tout ce qu'on avait lu dans le quartier, donc sur les murs. Sur les publicités, des panneaux, tout ça. Et alors j'en ai fait un petit bazar radiophonique. Alors c'est un peu le bazar et après j'aimerais bien qu'on discute de ce que ça vous évoque et de si vous reconnaissez des sons, si ça vous rappelle des choses. Voilà, je vous propose 4 minutes d'écriture du quartier. Alors on est devant le centre commercial et il y a un panneau en bois où il y a marqué 110, rappel ! Ferme bio, ARU, association régie urbaine. 110, rappel ! La régie des quartiers du Grand Angoulême, vente directe. Et du coup, il y a un petit stand derrière avec plein de bons légumes. Borne 52. Bio et local de la régie urbaine. Et on est mercredi matin et je crois que le stand est là tous les mercredis matins. Intermarché. Super, Saint-Cybard, ouvert le dimanche matin. Très bonne fête de fin d'année. Donc là, je suis pas très loin du toilettage. Rue de Sainte, ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 19h30. Dimanche, de 9h à 12h30. Donc pas très loin de la pharmacie non plus. Juste en face du toilettage, il y a une allée de garage. Coiffure pour dames. Commerce à louer. Des fringues un peu jetées comme ça, des ordures. Du 21 janvier au 2 février, on recommence à zéro. 0,81€, le deuxième pot de Nutella. Et sur ce mur, il y a écrit 2,55€ l'unité. Le deuxième à moins 68%. Petite pute, tu suces bien. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr. Et c'est un peu aussi en face de l'église Saint-Omètre. Arrêté municipal. Il y a un bruit de fond permanent de bagnoles qui passent. Considérant l'année 2020 déclarée année de la bande dessinée par le ministre de la Culture, Monsieur Frank Rister. Un tag recouvert de peinture noire, mais qui ressort un peu. Ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous rend différents, c'est la couleur de nos pensées. We Dead B. Je crois qu'il y a un nom derrière. Et à côté, c'est marqué « Tu... » Considérant l'appartenance de la ville d'Angoulême au réseau des villes créatives de l'UNESCO au titre de la littérature bande dessinée le 30 octobre 2019... C'est... ça prend la tête. Considérant le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui ouvrira officiellement 2020, année de la bande dessinée à l'occasion de sa 45e édition du 30 janvier au 2 février 2020... Petite pute, tu suces bien. Et il y a des giclures noires sur le mur. Considérant le statut d'Angoulême capitale mondiale de la bande dessinée, considérant l'événement national BD, le grand rendez-vous, qui invite tous les Français à lire une bande dessinée. Poitiers, Limoges ! Par arrêté de Monsieur le maire d'Angoulême et en accord avec les hautes autorités du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, article 1. Tout angoumoisin en âge de lire devra être muni d'une bande dessinée de son choix le jeudi 30 janvier 2020 à 13h à l'hôtel de ville d'Angoulême. Vivre ensemble. Article 2. Tolérance, partage. Chaque angoumoisin devra lire cette bande dessinée et y prendre un immense plaisir. Paix, nique la police, laïcité, respect. Article 3. Honnêteté, bande de fils de pute, amour. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le présent arrêté municipal sera communiqué par tout moyen approprié. Faites de votre différence une force et cultivez-la, car elle est rare. Grande Garenne, précieuse. Bus B, direction Saint-Michel. Monsieur le maire, Xavier Bonnefond. Urgence sans abri, numéro d'urgence sociale, le 115. Derrière la mosaïque, un bâtiment avec des plaques imitation bois, pleines de mousse. Appel gratuit. Avec écrit dessus, salle conviviale à Grand Graine. La France aime le 9e art. Conditions viagères de financement exceptionnel. Ça donne envie. Alors, il y a un tag sur un abri d'électricité. Surtout à l'aspect de la salle. Renseignez-vous. 99% IMO à vendre. Je me demande ce qui se passe dedans. Bus B, direction Soyaux. 07 76 32 68 48. Donc nous avons une magnifique maison à vendre, 230 mètres carrés sur deux niveaux, 70 mètres carrés de garage, très bon état, très bon rapport qualité-prix au 07 70 66 95 05. Allez, Jean Sebire, bâtisseur des castors angoumoisins. Sur rue Joliot, Marie Curie. Une porte métallique. Avec des traces de rayures. Prochaine sortie, Girac. Il y a marqué fermer la porte, SVP. Mais la porte est fermée. Bah, ça donne envie de l'ouvrir. Il y a le vent qui passe dans un couloir, ça fait un courant d'air. Je sais pas si on entend le son du courant d'air. Et il y a un gros pinceau sur l'abri d'électricité. Dans le couloir, il y a plein de mots écrits sur le mur. Des tags qui sont recouverts avec de la peinture plus claire en général. Et on voit apparaître des mots dessous, mais j'arrive pas trop à savoir ce qu'il y a d'écrit. Et là, il y a marqué bande de FDP, basso, zo. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Alors voilà, c'était une petite proposition, un petit micmac sonore sur ce qu'on a enregistré, ce qu'on a lu dans le quartier. On s'est demandé, en le faisant, si ça évoquait des choses aux personnes qui évoluaient à la Grande Garenne ou qui travaillaient. Laurence, par exemple, j'ai vu que tu réagissais à certains sons. Est-ce que ça te parle ? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent ? Alors oui, il y en a qui me parlent, notamment celle conviviale Grande Garenne. Graines, il manque, il y a une lettre qui est tombée. Allez, Jean Sébire, oui, parce que c'était un acteur important du quartier. Et cette rue a été inaugurée, je pense, en, je dirais, 2011 peut-être. Donc c'est à Saint-Ex. Donc Saint-Ex, Kevin. Et donc, voilà, il y a plein de choses. Après, il y en a qui m'ont un peu choquée. Oui, les plus vulgaires m'ont choquée, mais oui, je me doute qu'il y a ce genre de tag. Parce que justement, ça nous évoquait, on voulait le passer après les chansons, parce que les chansons, c'est des textes où voilà, c'est fait pour le grand public aussi, c'est de la poésie, on soigne les choses. Et on s'est dit que peut-être la rue, c'était aussi l'espace où justement, il y avait des choses pas belles qui s'exprimaient et qu'on n'exprimerait peut-être pas de la même manière dans la chanson. Et voilà, donc c'est des choses qui sont ressorties plusieurs fois dans les sons qu'on a enregistrés. Voilà, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de pubs aussi. Beaucoup de pubs. Effectivement, oui. Il y en a une en face de nous, là. Il y en a une en face de la fenêtre de la Caradoc, une pub. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on dit, notamment nous, quand on fait notre com, que les gens lisent de moins en moins les affiches. Et pourtant, oui, il y a beaucoup d'écrits autour de nous. Et on s'en rend peut-être pas compte de tout. Ouais. J'allais poser une question à Kevin que j'ai réussi à faire venir dans la Kevin. Caravane, mais il fait son timide. Alors, il n'y a pas de souci pour rentrer dans la MJC et pas vouloir sortir. Mais là, pour parler au micro, il fait son rentrer timide. Rentrer dans la Caradoc, là, il a. Je voulais savoir il si vous taguiez, vous. Vous taguez sur les murs, vous ? Oui, je vous écoute. Du coup, c'est Kader qui revient. Je voulais savoir si vous taguiez sur les murs. Alors. Ouais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui taguent ? On écrit sur les murs, Kevin. Les mots. Toi, tu tagues ? Non, je tag pas moi. Enfin, je dessine beaucoup en fait. Voilà. Tu dessines sur les murs ? Non, sur des feuilles. Trop bien, tu dessines quoi ? Coup, ah non, tu te fous de moi ? Sur des feuilles, en fait, va falloir que j'achète des... va falloir que j'achète des bonbonnes, en fait. Donc tu veux dessiner sur les murs, ouais, voilà. Les dessins que tu fais sur des feuilles. Voilà, ouais. Voilà, donc après les petits textes qu'on a eus tout à fait sympathiques sur les murs, on aura les dessins de Kader. Super. Mais c'est vrai que quand on vient du centre-ville, ça fait un gros contraste parce que toute la ville est complètement envahie d'affichage, pardon, parce que c'est le festival de la BD. Et c'est vrai qu'il y a de l'affichage partout, il y a de la lecture partout. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un contraste quand on arrive à la Grande Garenne où il y a quelques panneaux d'affichage avec quelques événements. Mais ça fait un gros contraste et finalement, on a eu de quoi faire 4 minutes de son. Mais c'est vrai que c'est pas non plus énorme. Donc ça montre aussi quelque chose d'un quartier qui est peut-être plus résidentiel. Là, je ne saurais pas dire. Une surproposition en centre-ville, bah, peut-être. Je ne m'en rends pas compte. Mais oui, on a quand même de l'écrit autour de nous. Très bien. Après, les gars qui sont avec moi, là, ils ont l'air de dire que eux en fait, ils ne vont pas en ville. Donc tous les écrits qui sont en ville, je crois que... Quoi, tu vois. C'est Kader, quoi. Il va parler, quoi, à ma place, quoi. Ouais, non plus, bon, il y a un délire sur Kader. Depuis que je suis ici, je vais plus en ville, donc je sais pas non plus. Bah là, c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui est écrit, nous, parce qu'au final, on est avec vous, donc on est un peu excentré et on sait pas trop ce qui se dit et ce qui s'affiche sur le festival de la BD en ville. Une question. Alors, on a une question pour... À la dame en rouge, là. À la dame en rouge. Une question pour Laurence. Oh, tu balances tout le temps. Vas-y, vas-y, maintenant, c'est en antenne, tout le monde t'écoute, vas-y. Laurence, tu balances. Voilà. Waouh. Bon, c'est la rime. Gros freestyle sur Laurence qui balance. Oh là là. Et ben justement, je vous propose, si ça vous va, de passer de l'écrit à l'oral, un petit aparté sur les conversations. Alors, c'est Julia qui nous a préparé un petit son. Est-ce que tu veux en parler avant ou après ? Peut-être présenter ? Alors, attends. Là, on est là. Oui, donc vous allez voir. Sur la thématique on s'écrit, il y a aussi on se parle, et c'est, je pense, hyper important ce passage à l'oralité. Quand on arrive en France, quand on arrive dans un pays qui n'est pas notre, où on ne parle pas la langue d'origine, on est en immersion, on entend partout la langue, et on est dans un bain, et le truc qui est, je pense, hyper important... c'est de s'approprier, de pouvoir parler la langue. Et du coup, je suis allée à la rencontre des femmes à la MJC, qui, vous allez voir, qui s'organisent entre elles et qui font plein de choses. C'est parti. Tout le monde est à la fin, quoi. Ah, c'est bien qu'il a porté des gâteaux. Je viens, voilà. Ah, voilà. Ben voilà. J'ai fait des gâteaux. J'ai oublié les boissons. Bon. Désolée. Il s'appelle Tea Time Cake. Mais alors, ça veut dire que c'est un gâteau pour boire avec le thé. Mais non, j'avais porté des jus de fruits. On va l'appeler gâteau Daniel. Oui, gâteau Daniel, hein, je préfère. Oui. C'est moins compliqué. Oui, ça sera beaucoup moins compliqué. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on écrive ou... on peut prendre des photocopies, hein, sinon. Battre les œufs dans une grande terrine, ajouter le sucre, la cannelle. Alors, le zeste. La cannelle. Le zeste, c'est du citron râpé, le lait et l'huile. Battre, le mélanger vivement avant d'incorporer la farine, maïzena, puis la levure. Alors, nous nous retrouvons depuis novembre 2015. À la MJC de la Grande Garenne, nous accueillons des femmes, uniquement des femmes. Et nous, c'est un groupe de parole. Donc les femmes viennent et elles apportent ce qu'elles ont vécu dans la semaine. Et nous écrivons, si un mot n'est pas compris, nous l'écrivons au tableau. Voilà. Un mollet, un moule. Oh là là, je suis timide. Non, mais ça se passe. C'est très bien. Lequel on rajoute les ingrédients. Comment dire français? La comio la lengua. La comio la lengua. Elle a mangé ça. Elle a mangé ça. Elle a mangé ça. Alors, de farine, il y en a combien de farine? Elle a mangé sa langue. Elle a mangé sa langue. En français, on dit elle a perdu sa langue. Ah, elle a perdu sa langue. On dit aussi elle a mangé sa langue. Ça se dit aussi. Nous, on a une autre expression. Il y en a une qui nous a dit venir au groupe, ça m'a décroché la langue. C'est-à-dire qu'elle s'est mise, elle n'osait pas parler. Et tout d'un coup, à force de venir ici, elle s'est mise à parler. Ça m'a décroché la langue. Ça m'a décroché la langue. C'est une expérience. Tu as mangé ton gâteau. Oui, c'est ça. C'est la recette. C'est le gâteau de Daniel. Qu'est-ce que tu veux de l'apporter? C'est quoi? C'est le code de la route. C'est toi qui devais l'apporter. Tu l'as apporté? Non, pas encore. Ah, pas encore. Pour pouvoir le lire. Voilà, il y a plein de mots qu'elle ne comprend pas, donc on va essayer de les expliquer. Voilà. Parce que vous êtes en train de passer le permis de conduire? Oui, à bientôt aussi. Pour voir aussi. Vous l'avez pas le permis? Oui. Ah. Et elle aussi. Vous avez commencé le code? Moi, pas encore. J'ai fait l'inscription avec mon assistant social et maintenant, j'ai pas réponse. J'attends. Alors, on va essayer de l'apprendre ensemble, de l'expliquer, de se familiariser avec les mots. Hein, voilà. C'est très difficile. Quand on ne savait pas parler français, c'est difficile. Mais on va se familiariser avec les pads. Hein, voilà. On va faire venir photo et quoi. J'ai refait le voyage avec des balles à blanc, ramassé beaucoup d'oseilles et blancs. À 10 ans j'étais dur à cuire, je voulais passer mon permis de conduire. À l'instructeur de l'auto-école, j'ai dit signe, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime, je le jure, voilà la radim. Je le jure, voilà la radim. Radio Adoc, nous sommes dans la Caradoc, devant la MJC, à la Grande Garenne. On aime la Grande Garenne et on aime les rencontres qu'on fait à la Grande Garenne, dont Léa, qui nous a rejoint, qui a pointé une tête à la fenêtre de la Caradoc. Elle a pointé une tête hier pour nous parler de son jeu préféré, le double. Le double, oui. Et là, elle va nous parler d'écriture, parce qu'apparemment, tu écris et tu aimes écrire. Oui, c'est vrai, j'aime écrire et j'aime surtout écrire des chansons. Pour que tout le monde écoute et je voudrais devenir chanteuse. Tu voudrais devenir chanteuse? Oui. Et alors qu'est-ce que tu écris comme chanson? Pour l'instant, j'ai écrit une chanson pour les maths et je m'inspire de ma maman pour écrire une chanson pour elle. Et alors qu'est-ce que tu lui dis dans cette chanson? C'est en cours, tu m'as dit, c'est ça? T'es en train de l'écrire? Oui, et je dis ce qu'elle fait à chaque fois pour moi, ce qu'elle a fait, ce qu'elle va devenir. Enfin, toute ma passion d'elle. Et c'est important pour toi de lui dire tout ça? Oui, c'est vraiment important parce qu'elle m'a éduquée pendant 11 ans, jusqu'à que je rencontre enfin mon père. Et à mes 12 ans, je l'ai rencontré. Et après, on est allé en vacances chez lui et tout. Et après, ça va. Et donc, ta mère, est-ce que tu es obligée de passer par l'écrit pour lui dire ça? Ou est-ce que tu arrives aussi à lui dire tous les jours ou de temps en temps? Souvent, je lui dis que je l'aime et tout, qu'elle est courageuse pour moi surtout. Même si on n'a pas, beaucoup de sous, on y arrive ensemble. Et c'est qu'en croisant les doigts qu'on peut y arriver. Et tu as quel âge déjà? 12 ans et demi. 12 ans et demi. Et tu as écrit aussi une chanson pour les maths? Oui, aussi. Avec une amie, c'est ça? Oui. Et alors, c'est quoi cette chanson? Tu peux nous donner un petit air? Les périmètres. Les périmètres? Et tu peux nous la chanter? ou tu n'oses pas ? Non, je n'ose pas. Et alors, c'est quoi les paroles ? Bah, c'est comme « Anne Joe Love », mais sauf qu'on les remplace par les périmètres et des phrases en plus. Et donc, ça te permet d'apprendre ton cours de maths ? Oui. Parce que c'est pas facile, les périmètres ? Non, c'est pas trop facile, mais c'est quand une chanson que je peux les apprendre. D'accord. Donc tu chantes devant ton contrôle de maths pour te rappeler les... Dans la tête, surtout, parce que sinon, mauvaise note. Et à l'école, tu aimes bien écrire, du coup, oui, aussi. Oui, j'aime bien écrire, oui. Donc t'aimes bien le français ? Oui, j'adore. Et tu me disais, tes passions, c'est lire et écrire. Oui, lire et écrire. Et est-ce que tu écris autre chose que des chansons, je sais pas, de la poésie, des histoires ? Bah souvent, je raconte ma vie dans mon cahier... dans mon cahier, et après je raconte des histoires pour mes petites cousines. D'accord, elles ont quel âge tes petites cousines ? Y en a une qui a 6 ans et une autre 9 ans. D'accord, et c'est quoi les histoires du coup ? C'est des contes de fées ? C'est des contes de fées, oui. Ouais. Et elles aiment bien quand je mélange plein de contes de fées. C'est-à-dire ? Bah, par exemple, dans Le Chaperon Rouge, je rajoute Cendrillon, Blanche-Neige, des choses comme ça, et ça, elles aiment bien en fait. Ah. Donc je rajoute tous les contes qui sont passés, donc voilà. Laurence ? Oui, alors du coup, en entendant l'histoire de Léa, là, j'ai envie de lui faire une proposition, parce que au mois de mars, on va accueillir un artiste qui s'appelle Lomé. Ah, on a des cours au Créadoc avec Lomé. On a fait des cours de rap avec Lomé. Ah, ben génial. On a rappé avec Lomé. On a appris à écrire aussi des chansons avec lui. Alors, il est comment, Lomé ? Il est chouette. Voilà, donc nous, on va l'accueillir le 5 et 6 mars. Et ensuite, le mercredi 25 mars, il va travailler donc, avec 7 jeunes de la Grande Garenne, 7 jeunes de Basso, de Fléac et de la MJC de ma campagne, Louis Aragon. Et il va nous accompagner pour, enfin vous accompagner dans l'écriture de textes. Et il y aura un spectacle, une restitution à l'espace Matisse à Soyaux le jeudi 26 mars. Et comme il me reste une place, eh ben je te la propose, Léa, d'accord, pour faire cette rencontre avec Lomé. Donc, c'est un artiste de Châtellerault. Et là, il est en résidence aussi avec une école primaire à Soyaux, une classe de CM1. Et vous serez tous ensemble sur scène avec Lomé avant son spectacle le 26 mars. D'accord. Ça me plairait, toi, de rapper, oui, ou de slammer ? Oui. Ça me plairait, donc je vais en parler à ma maman. Et ceux qui veulent y aller, bah... allez-y, allez à fond, écrivez des histoires, créez des chansons. Il faut avoir confiance en soi. Et on te souhaite de devenir chanteuse. Merci beaucoup. Et on embrasse Lomé. Voilà. Bisous. Et on te souhaite d'avoir des bonnes notes en maths aussi. Tout à fait. Grâce aux chansons, les périmètres. Merci Léa. Je vous propose. Bah merci. Et je vous propose un petit jingle et puis on va passer sur le thème des correspondances. Caradoc, Caradoc, Caradoc. Caradoc arrive ! On lui apporte son épée. Radio Adoc 101.1. Alors, oui, Nausicaa. On est toujours sur le 101.1. Toujours. Toujours dans la Caradoc. Et Marie, tu avais une petite proposition à nous faire pour la suite de l'émission. Tout à fait. Alors là, je vous propose une séance d'écoute. Se poser les oreilles grandes ouvertes. Grandes ouvertes. Parce que... on va entendre des apprenants en français qui nous parlent de leur correspondance dans leur pays d'origine. Donc on a à peu près 12 minutes et donc il faut tendre l'oreille parce que parfois on a du mal à les comprendre et qu'ils nous ont livré des belles histoires et que ça vaut le coup, je pense. Et voilà, c'est un moment très touchant et voilà, je vous laisse écouter et tendre l'oreille à tout ça. Et si ça vous évoque des choses, on pourra en parler après. Tout à fait. Comment vous contacter on va parler de ça surtout. Oui, voilà, c'est de vos relations avec vos familles. Ou vos proches. Avec... et vos proches qui sont restés dans votre pays. On éteint les portables, s'il vous plaît. Coucou maman, oui, ça va. J'ai pas trop le temps de discuter là, désolée. Bisous. TikTok. Ah. Potin, Instagram. Alors, attends, moi, je ne connais pas, moi non plus. Alors, tu vas nous faire un petit cours. Ah, voilà. Allez, c'est toi qui nous fais un cours. Neveu. Ah. TikTok. Je vais écrire au tableau. C'est pas des vidéos, TikTok mais... Vidéo, parler avec... voir. Oui. Oui, c'est ça. Ça sans VPN. Comment? VPN, proxy VPN, sans VPN. Tous les backgrounds pas ouverts. Ah oui, oui, d'accord. Pour casser les interdictions. C'est interdit. Oui, interdit. Ouais. Oui. Donc en fait, ils trouvent un moyen. TikTok maintenant. TikTok. En Europe, oui, c'est ça. TikTok avec des cas. C'est beau ça. Et c'est réservé aux Canadiens. Et Boutine. Boutine. Comment? Boutine. Telegram. Telegram, oui. Oui, Telegram, le même WhatsApp. Telegram, Russie. Russie, Russie. Ah, d'accord. Comme ça, Loa, des... Oui. Deuxième vidéo. Oui, oui. Voilà, pour Loa, ce sont ses outils. On parle d'outils ou de support de communication. Hein? Outils ou support de communication. Salut, ouais, je bosse là, désolé. Je te rappelle bientôt. Tu utilises WhatsApp, vidéo, en cri. Quelquefois, tu utilises l'application Messenger aussi. Tu communiques avec mes parents en Liban. Et mes frères, deux frères en Liban, et il y a deux sœurs aussi en Liban. Il y a deux sœurs aussi en Syrie. J'ai trois sœurs aussi en Angleterre. Ah oui? Oui. Oui. C'est en fait, c'est du combustible pour la tombe, du combustible parfois tu communiques deux fois par semaine, trois fois par semaine, ça dépend. Nous chantons la nouvelle, qu'est-ce qui se passe, quoi la nouvelle, comme ça. Comment ça va? Surtout le. On les prend en série, la situation est très difficile. Il y a toujours de nouvelles difficultés, nouvelles mauvaises nouvelles. Toujours comme ça. Dieu envoyait toujours, en souvent, Dieu envoyait bonnes nouvelles. Ici, bonnes nouvelles. Mais là-bas, mauvaise nouvelle, ça dommage, oui, c'est pas bien. Oui, en fait, c'est difficile pour nous, mais pas l'autre choix, pas l'autre solution, mais c'est bien. Oui, mais ma soeur, j'ai deux soeurs en série, elle ne partage pas, nous. La communication là-bas, c'est très difficile. Avec deux sœurs? Oui, en série, oui. Comment vous communiquez? Crier, quelquefois. Cri. En fait, il y a autre problème pour moi. Elle a peur quand elle communique avec moi parce que je suis. Je suis obligé de régime. Ça, c'est un problème pour l'or. Oui, elle a peur quand elle communique avec moi. Oui, c'est pas facile pour elle. Pourquoi vous communiquez avec cette personne qui est mauvaise, cette personne qui est anti-régime, c'est problème pour l'or. En fait, je demande à ma femme pour ça toujours. Ma femme m'a communiqué avec l'or. Je sais la nouvelle de deux sœurs, de mes deux sœurs en série, par ma femme. Coucou, ça va et toi? Oui, je me communique avec ma famille et mes amis pour le portable, le WhatsApp. Messenger, messages. Souvent? Oui, tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Et des fois on écrit, des fois des vidéos, des fois des images, quelque chose, non? Un peu de tout. À quel moment tu communiques parce qu'il y a... Ça dépend. Si c'est ma famille, c'est pour la nuit, parce que là, l'heure, c'est différent. C'est 6 heures moins qu'ici. Voilà. Et si c'est mes amis, non. N'importe quoi, parce que l'heure, c'est la même qu'ici. C'est en Espagne, alors c'est la même heure. Et pas de problème. Pour parler. J'ai aussi communiqué les Indonésiens musulmans en France et en Indonésie. Nous connectons sur Skype, une fois par semaine, mercredi matin. Ah oui, donc il y a un rendez-vous. Oui, parce que nous lisons le Coran ensemble et quelquefois il y a quelqu'un qui pose une question qui ne comprend pas comment utiliser quelque chose en France et mes amis qui vivent en France depuis longtemps elle expliquait oui. Beaucoup mes amis ne comprennent pas pour l'alimentation, parce que nous musulmans nous mangeons halal, quelque chose halal, et il y a quelqu'un si je achète ici cet magasin, c'est halal ou non, et où je trouvais halal, quelque chose. Je communique ma famille par application Messenger ou Viber. Avec ma mère, c'est toujours par vidéo. Et je parle parce qu'elle demande toujours les nouvelles de mes enfants. Elle veut les voir. J'ai une petite fille qui était trop attachée de ma mère, de maman. Alors souvent, on parle par vidéo. Mais avec des copines, c'est la majorité, c'est par des messengers textos. Sauf avec ma mère, toujours qu'elle demande mes nouvelles, les nouvelles des enfants, comment ils ont à l'école. Tu vois, elle veut les voir toujours. Je parle quelquefois 3 fois par semaine ou... comme ça, 3 fois par semaine, mais avec mes copines tout le temps, par écrit, et toujours mon mari, il est en train de hurler, t'as pas fait ça, toujours tu es au téléphone, tu es toujours avec tes copines. Alors là, je parle, et par écrit, c'est un peu discret, en cachette. Alors avec les enfants, tu sais, j'ai 4 enfants, c'est une grande responsabilité, il ne faut pas toujours être au téléphone. Oui, et avec ma mère, c'est ma vie. Elle est toujours inquiétée, comment vous êtes, comment, tu vois. Ah ben, toujours, je dis que même si je ne serais pas bien, je dis ça va. Pour éviter, pourquoi? Toujours, je dis je suis bien pour qu'elle ne sera pas inquiétée de moi, tu vois. Et avec mes enfants, elle est toujours heureuse, toujours. Quand elle les voit, c'est comme s'ils sont avec elle. Et avec mes copines, ah ben, on parle des souvenirs. Tu te rappelles ce jour. Pour oublier un peu. Et avec ces cours-là, j'ai trouvé une autre famille, d'autres amis. Et j'aime bien découvrir d'autres choses. J'aime bien avoir plus. Tu vois, je suis là dans ces cours de français, parce que là, c'est comme mes sœurs. Tu vois, il y a l'ambiance de la famille. On rigole avec Marie, elle nous... vous êtes bavard, vous êtes... On est toujours... Il y a de l'ambiance, tu changes un petit peu de l'entourage de ta famille. Coucou maman, comment ça va toi? Ça fait longtemps que tu m'as pas écrit. Je peux pas passer un jour sans parler avec mes parents, je peux pas. Et là c'est des messages du coup, c'est écrit? La carte. Oui, la carte. Vidéo. Ok. Oui. Non. Est-ce que tu communiques avec ta famille? Oui, bien sûr. Et souvent. Mais j'aime pas parler pour ça. Voilà. Tu peux pas parler. Ouais. Comme tu veux. Toutes les jours. Tous les jours. Oui. Tu es le premier à arriver en France? Oui. D'accord. Toute ta famille est restée? En Algérie. Et tu écris ou tu fais tes vidéos? Non, par appel vidéo. Avec ma mère, tous les jours. C'est bon. Salut, ouais, c'est le speed là, je suis désolée, mais je t'écris très bientôt. Et ça manque à personne d'écrire? Non, aujourd'hui c'est des mots d'écrire. C'est des mots d'écrire, ça n'existe pas. Non. WhatsApp? Oui, j'ai un grand-mère. Grand-mère. C'est avec vidéo, comme notre monde, oui. Dire salut, ma grand-mère. Elle repense en chantant. Oui, elle chante pour moi. Ah. Oui. Chantant traditionnel. Oui, des chansons traditionnelles. Oui, c'est nous très, très vu, très ancien. Oui, les oui. grands-mères toujours oui, regardent. Elle a presque 100 ans. Ah oui, 100 ans. Et je peux partager avec vous, si vous voulez, moi j'écris tous les jours à ma mère. Je suis en voie de textos tous les jours. Oui. Surtout les mamans. Tous les jours? Oui, tous les jours j'écris à ma mère. Mais... Oui. Voilà, donc c'était les témoignages des apprenants du cours de français auquel je me suis rendue avec Nausicaa, donc c'était mardi après-midi, et ils se sont tous prêtés au jeu des correspondances, sauf une personne, on l'entend dans le PAD, dit qu'il ne veut pas, et voilà, et moi j'étais assez étonnée d'autant de partage en fait, ils ont été... Enfin, c'était très beau, c'était vraiment un beau moment qui m'a donné envie de partager avec eux. Et du coup, le fait de se rendre compte de la difficulté que ça peut être de communiquer avec sa famille, j'avais envie de le mettre en relation avec moi qui écris tous les jours à ma mère et au final qui est tout le temps en speed. Et au final, du coup, ça veut rien dire mes messages. Et je sais pas, du coup, ça m'a posé énormément de questions par rapport à ça. Et après, on s'est également rendu compte qu'au final, l'écrit, il n'y en avait pas tant que ça. En fait, c'est beaucoup des vidéos qui sont envoyés, c'est beaucoup des messages vocaux, et donc voilà, l'écrit se perd un petit peu, mais en tout cas il y a toujours de la communication, ça c'est sûr. Moi ce qui m'a marqué dans cet atelier, c'était la personne qui venait de Syrie qui disait que bah, dans certaines circonstances il ne reste que l'écrit de possible, et donc c'était elle me disait qu'elle ne pouvait pas communiquer avec... Ah. Je crois qu'il faut baisser au début du PAD. Oui, voilà, qu'il ne pouvait pas envoyer de vidéo ni de message vocal à sa famille, et du coup, il était obligé d'écrire des textos par personne interposée pour communiquer avec sa famille. Donc, c'était vraiment une thématique riche finalement qui a déployé des choses auxquelles on s'attendait pas. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout. Moi, je pensais pas que cette thématique allait prendre quand je l'ai proposée, honnêtement. Ouais. Du coup, c'était chouette, notamment que vous ayez pu en parler avec Marie, qui était bénévole là-bas. C'est elle qu'on entend aussi un petit peu. Qui donne des cours. Et oui, j'étais étonnée qu'on partage autant. Mais c'était très beau. Enfin, je vais m'arrêter là parce que. Alors effectivement, ce groupe, il est accompagné par deux bénévoles, le mardi par Marie et le jeudi avec Sylvie. Et Marie elle-même était étonnée de leur capacité à expliquer. Voilà, elles ont trouvé qu'ils avaient été très enfin, ils avaient bien participé, bien expliqué leur correspondance, et elle était très contente et très étonnée elle aussi de voilà la capacité qu'ils avaient eu à nous expliquer ce rapport avec l'écrit et avec les nouveaux moyens de communication. Voilà, c'était aussi pour nous un bon moment. Bah super. Et Julienne, vous avez reconnu des gens, non? Oui. Ouais, comme ce sont les gens qui habitent ici le quartier de la Grande Garenne, bah, je suis quelqu'un qui aime bien faire des connaissances, donc presque tous ce sont mes copines, et dès qu'ils parlent je peux dire ça c'est telle personne, surtout des si, ouais. Je viens les connaître sa voix, ouais. C'est vrai. Et Samira, ouais. Et vous êtes reconnue un peu dans ce qui était dit sur écrire à sa famille, envoyer des messages, alors plutôt vidéo, plutôt Oui, bah, c'est ce que moi aussi j'ai fait. Ouais. Ouais, avec les amis, ouais. J'utilise, social media. Les réseaux sociaux? Oui, ouais. Les réseaux sociaux, oui, c'est ce qui est plus... C'est pas cher Et en plus, avec le vidéo, bon, pas tous les jours avec le vidéo, mais quand il y a envie de voir quelqu'un, donc c'est comme si vous êtes ensemble. Hein. Et vous écrivez aussi des textos? Oui, ouais, beaucoup. Par WhatsApp? Ouais, WhatsApp. Okay. Oui, il y a les WhatsApp, Messenger, Twitter pour le moment, non, parce que j'ai pas trop de choses à partager, mais pour communiquer avec les amis, ouais, j'utilise les WhatsApp beaucoup, plus que les autres social media. Ouais. Je pensais à quelque chose, parce que je me souviens qu'à ce moment du cours, certains nous ont dit que parfois, en fait, quand on a reparlé ensuite des lettres, du fait d'écrire des lettres, est-ce que ça se faisait encore ? Donc la plupart étaient à nous dire « non, non, mais c'est complètement démodé ». Et en plus, il y avait la question de, en fait, combien de temps ça va mettre pour arriver jusqu'à mon pays ? Et il y avait, bah, je crois que c'était Samira qui nous disait, par exemple, même quand tu payes express, ça mettait 3 mois à arriver, quoi. Du coup, je sais pas, toi, est-ce que tu écris des lettres ? Non, pour le moment, bon, j'écris pas des lettres, sauf s'il y a des courriers très importants à faire. Oui, je sais que oui, ça prend longtemps, ça prend 10 temps par rapport au texto avec les réseaux sociaux, mais ça dépend aussi de quel genre de la poste que tu as utilisé. Parce que chez moi, il y a, comme quand tu envoies quelque chose avec les DHL, tu peux l'avoir dans 2 jours. Oui, 2 jours. D'accord. Ouais. Voilà, oui, mais pour moi, j'écris pas beaucoup pour l'envoyer à la poste, ouais. Mais si quelqu'un, par exemple, m'envoie un courrier, ouais. Ça te fait plaisir de recevoir ça du courrier? Oui, ça me fait plus plaisir par rapport à un message que je peux laisser voir sur le WhatsApp. Même là, à la maison, j'ai gardé presque toutes les lettres des gens qui m'envoient, ouais. C'est... Mais pourquoi ça te fait plus plaisir? Parce que les gens prennent du temps pour t'écrire? Oui, de fait que j'imagine là, pour le moment, nous tous on aime ce qui est plus facile. Donc, ce n'est pas facile à se mettre assis et puis prendre le papier, écrire. Mais si quelqu'un vraiment prend son temps, tu vois que vraiment il tient beaucoup à toi. Ouais, parce que le téléphone, même là, il y en a ceux qui ne veulent plus écrire, même sur le téléphone, il prend les voix. Bah, ouais, voilà. Oui, je voulais revenir sur justement cette importance de l'écrit. Et, alors, on parlait de rapidité, de coût, mais j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure le témoignage du jeune dans le contexte de la prison. Je pense que c'est vraiment l'écrit, la lettre, c'est vraiment ce qui va aider à tenir les gens qui sont privés de liberté. Et c'est vrai que mardi, on recherchait les contextes où la lettre reste importante. Et tu nous parlais des condoléances, par exemple. Voilà, est-ce qu'on enverrait les condoléances en texto ou pas? Voilà, les parts de collègues aussi ont fait des cartes. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je pense à un prisonnier, recevoir un courrier, c'est très important. Et oui, je pense que ça quelque chose qui les marque beaucoup, comme là Julienne vient de le dire, c'est une lettre, recevoir une lettre, c'est touchant, c'est vrai, avoir une enveloppe dans sa boîte aux lettres, mais on comprend aussi les problèmes d'acheminement et de coûts, donc c'est vrai que voilà, tous les réseaux sociaux, ça, c'est instantané et c'est pas cher. Mais c'est assez fou en fait, parce que j'imagine que les lettres aussi peuvent être bloquées dans certains pays ou que c'est le courrier ne peut pas arriver. Et du coup, c'est assez fou de voir, d'avoir constaté avec cet enregistrement notamment et les témoignages à quel point on est capable de créer de nouveaux outils pour continuer et contourner. À toujours être. Alors. Je viens de rebrancher le micro parce qu'en fait le câble s'en allait. Pardon Marie. Il y a pas de problème. Je reprends le fil de ma pensée. C'était justement pour que tu sois pas coupée par autre chose. Et donc oui, je trouvais ça assez impressionnant, la manière et la faculté qu'il y avait de trouver des nouveaux moyens de communication toujours plus performants, des bidouilles comme ça, c'est un peu de la débrouille aussi au final. Ils expliquaient qu'il y avait certains pays où, j'ai pas les termes techniques, mais où il y avait des réseaux qui sont censurés et du coup ouais, ils trouvent... VPN, c'est ce qui était dit au début de l'enregistrement, c'est ça, c'est les VPN proxy. Voilà, c'est ça. VPN proxy. Voilà, et du coup, ils trouvent d'autres solutions pour quand même pouvoir communiquer au-delà des décisions de chefs politiques ou et dans certains pays. Et voilà, on arrivera toujours à se communiquer. Et, c'est quand même la base de l'humanité. Exactement. Et

t'aime beaucoup. Ouais. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays. Je peux dire un truc. Vas-y, vas-y, Marie, vas-y. Parce que là, c'est carte de vœux. Oui, c'est carte de vœux. Et on est le 31 janvier et c'est le dernier jour où on peut dire Bonne année. Bonne année, Marie. Merci. C'est Marie, tout pour moi. Échappé belle, hein. On a pas bonne année. Bonne année, Julia. Bonne année, Laurence. Mais quel bonheur d'être devant. Bonne année. Cœur ad hoc à la Grande Garenne. 101.1 FM. C'est quoi de neuf la Grande Garenne, l'émission On s'écrit. Il nous reste à peu près 20 minutes d'émission et moi je voulais vous partager un petit son, donc ça s'appelle Carte de vœux, je l'ai un peu présenté tout à l'heure. Et Laurent, si tu veux bien rester dans la caravane, je sais pas si t'as le temps, mais on pourra peut-être en parler un peu après. Ah, moi je reste jusqu'à la fin. Ah super, mais toi tu vas être adopté par la caravane, hein, tu sais, on va plus pouvoir partir. C'est parti. Qu'est-ce que c'est pas c'est pour tous. Désir que chacun veut pour les 2020 et pourquoi tu apprends le français et pourquoi c'est important pour moi, pour les autres, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai écrit, si j'apprends le français, c'est pour vivre la vie comme les autres et pouvoir m'exprimer, dire, écouter et comprendre les autres comme les autres avec moi. MDR, vous connaissez MDR? MDR, c'est la même chose que ça. Oui, c'est pour rire. MDR, mort de rire. Ah oui. Donc là, l'orthographe. Oui, c'est vrai. Et après les portables, il y a des correcteurs. Oui. Qu'il ne faut pas écrire tout parce que le correcteur. Oui, correcteur automatique. Tu trouves le mot. Et ouais, mais des fois, il te corrige, il t'écrit un mot. Oui. C'est oui, pas oui, du tout ce que tu voulais dire. Et aussi, pour 2020, je veux apprendre le français pour pouvoir avancer dans la vie, les études, les travails, etc. Je veux apprendre la langue française que j'utilise à la maison et pour lire un courrier et pour comprendre les informations. Et après, moi, j'apprends le français, c'est pour surtout m'intégrer. Et je veux progresser en français pour m'inscrire l'année prochaine à l'université et terminer mes études. Voilà. Et pour qu'il me facilite les difficultés, parce qu'on le trouve dans notre vie quotidienne. Du coup, on va réunir toutes ces cartes de vœux. Donc il y a un jeu de mots entre vœux, les vœux, ce qu'on souhaite à quelqu'un, et vœux, ce que je veux, du verbe vouloir. Je prends le français, c'est pour pouvoir communiquer avec le monde. Le plus important chose pour moi, pour trouver le travail. Oui, et de toute façon, communiquer à l'autre. À l'autre, dans la rue, dans le magasin, dans partout. Et je vous prends la langue française pour mes enfants. Oui, c'est un grand problème à futur. C'est ne compris pas parler mes enfants. Tu vois, avec mes enfants, si tu sors, il faut que tu parles, il faut que tu t'exprimes. Il ne faut pas compter sur des gens qui viennent pour te faire la traduction ou quelque chose. Pour suivre aussi la scolarité des enfants, l'école. Oui, y compris parler avec l'oramé Leurs amis. Oui, c'est ça. Cette année, j'espère que tu obtiennes le niveau B1. Vous parlez toujours au français, entre amis. Ouais, c'est mes voisins, quelque chose comme ça, voilà. Mais mes amis, c'est un peu compliqué, voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça sera bien que les gens de là, les gens de poder, de... oui, oui, de pouvoir, qui fait plus de choses, parce que ma mère, elle a des papiers, elle a tout, mais son problème, c'est la langue française. Voilà. Et toi, Dessy, tu parles français à la maison? Non. je parle bahasa avec mon mari. J'espère qu'avec les années, il y en a plus de choses pour apprendre le français. Par exemple, moi, je parle des papiers et la préfecture, la première condition qu'il m'a dit, c'est si tu ne parlais pas le français, après... C'est un négatif pour toi. Alors voilà, c'était un enregistrement du cours de français de mardi après-midi. Donc c'était intéressant. Il y a plein de raisons d'apprendre la langue du pays dans lequel on réside. Et moi, j'ai retenu plein de choses de la parole de ces gens, et notamment le fait qu'il fallait aussi pouvoir continuer à suivre ce que ces enfants disaient. Et comment ils évoluaient, parce que souvent ils vont à l'école, ils parlent parfois mieux que leurs parents. Et du coup, c'était un témoignage assez intéressant. Enfin, Laurence, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de ce papa qui disait en fait, je veux pouvoir savoir ce qui passe entre les mains de mes enfants, les écrits, et du coup, garder ce contrôle parental tant qu'il est judicieux, en fait. Oui, c'était ça. Donc, c'était une motivation peut-être un peu surprenante, mais du coup, l'apprentissage du français, il n'est pas que pour eux, il est aussi pour le suivi de la vie des enfants en France. Et voilà, c'est le rôle éducatif aussi des parents. Du coup, quand les premières générations d'immigration sont arrivées, il y avait cette différence-là et que les enfants en savent plus que les parents. Et voilà, des fois, c'est repris dans les films, dans certains films, notamment La vie scolaire, un film qui est sorti l'année dernière où l'enfant traduit n'importe quoi dans la rencontre parents-professeur. Et puis, en fait, après, l'enseignant, il se met à parler en arabe et il traduit vraiment ce qu'il était en train de dire à la maman, et c'était pas du tout ce que l'enfant était en train d'expliquer. Il expliquait qu'il était un bon élève alors que c'était le contraire. Donc les motivations sont diverses. Ah, c'est pas mal comme exemple. Et oui, et du coup ces cartes de vœux, alors moi je me suis posé des questions, je me suis demandé finalement, vous proposez des cours de français à la MJC, ce sont des bénévoles qui font ça? Alors, il y a une professionnelle, diplômée, d'accord, qui coordonne. Et puis, comme il y a un volume assez important, parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes, on fait appel à une belle équipe de bénévoles. Et grâce à eux, on peut proposer plus de cours. Donc, ils viennent d'associations partenaires aussi. Il y a Agir ABCD. Là, on a Patrick de Déclic qui nous rejoint. Donc voilà, il y a des bénévoles aussi du quartier. On a une administratrice, Sylvie. Mais voilà, donc c'est un groupe pour proposer cela. Et quand vous êtes arrivés, on s'est dit ça va être chouette parce que cette semaine, c'est la semaine du français pour tous. Donc le français pour tous, c'est une réunion inter-association au niveau national et donc qui est vrai aussi au niveau local. Donc on a la Fédération des centres sociaux, on a le CAGE de la Grand Fonds, on a des clics, on a nous-mêmes, la MJC, il y a plusieurs... la MJC Louis Aragon à ma campagne, on est plusieurs à avoir signé le plaidoyer donc du français pour tous. Et ce plaidoyer, c'est l'apprentissage inconditionnel pour n'importe quelle personne et en proximité. Donc voilà, c'est offrir la chance de pouvoir accéder à des cours de français. Et il y a ces cartes de vœux, donc c'est la proposition du Français pour tous cette année, d'écrire des cartes de vœux. Donc c'est un jeu de mots entre ce que je veux et les vœux, les souhaits. Et l'idée, c'est de les envoyer à notre député pour voilà, qu'il y ait une décision politique et des moyens alloués à l'apprentissage du français pour tout le monde. Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'apprendre le français quand on vient d'un autre pays, en France ? Alors c'est compliqué, c'est toujours la même question, c'est les moyens. Quels moyens on donne aux différentes associations pour permettre à n'importe quelle personne de pouvoir apprendre la langue française. Donc c'est compliqué, il y a des propositions, hein. il y a différents acteurs sur la ville d'Angoulême, mais les apprenants, certains, s'ils pouvaient avoir plus de cours, ils aimeraient en avoir plus. Alors après, ils changent aussi ils vont au Resto du Cœur, ils viennent à la MJC, ils vont à Déclic, mais il y en a, enfin nous par exemple, on propose les groupes, ils ont deux fois 1h30, y a certains apprenants, ils aimeraient avoir plus. D'accord, oui, parce que vous êtes, c'est surtout le milieu associatif qui propose des cours de français, d'après ce que je sais, non ? Alors, oui, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Alors, oui. Patrick Supin, je suis le directeur de l'association Déclic, qui est située à Angoulême. Voilà. Alors, effectivement, ce que soulignait Laurence, c'est qu'effectivement, il y a une offre tout à fait hétérogène, autant au niveau des propositions de formation, c'est-à-dire qu'on a des organismes qui sont des organismes avec des salariés, hein, qui sont des représentants de réseaux nationaux, comme le Greta, l'IRFREP, voilà. Il y a aussi les centres sociaux, qui présentent différemment, et qui présentent, comme Déclic et comme beaucoup d'associations, des offres de formation complémentaires, c'est-à-dire qu'on est sur 3 heures, 4 heures, en tout cas quelques heures hebdomadaires. On n'est pas sur de la formation intensive. Et ce que soulignait tout à l'heure Laurent, c'est aussi toute la difficulté du parcours des personnes qui veulent suivre ces formations, qui ont bien compris souvent les consignes du gouvernement, qui est de dire tout simplement, si vous voulez avoir une opportunité d'intégrer la société française, on vous demande dans un premier temps de maîtriser la langue française, ou en tout cas d'envoyer les signaux que vous avez envie de la maîtriser, que vous atteigniez un niveau minimum. Et c'est par rapport à ces problématiques qui sont complexes, effectivement, qu'on fait un appel, effectivement, aux députés de Charente, hein, pour justement qu'il y ait une sensibilité sur toute cette complexité, aussi bien des parcours, des migrants, des demandes qui sont parfois très différentes, et puis aussi de la complexité du financement, aussi très complexe et très hétérogène de toutes les structures qui peuvent intervenir dans la formation pour adultes ou même parfois dans la formation pour des mineurs. Entre autres, la problématique des mineurs non accompagnés. Voilà, voilà. Donc c'est toute une problématique. On est contacté quotidiennement voilà, par des personnes qui sont... On a des listes d'attente. Donc c'est en tout cas aussi l'intérêt d'avoir un collectif qui peut organiser, comme précisait Laurence, le fait de pouvoir des fois proposer des offres, d'autres offres sur d'autres lieux et en tout cas s'organiser. Voilà. Et vous, en tant que Déclic, vous proposez des cours gratuitement aux personnes ? Alors, les cours sont... 80%, voire même un peu plus, de notre public est un public en très grande précarité. Donc, nous demandons une participation symbolique d'adhésion au trimestre de 5 euros, pour ceux qui peuvent. S'ils ne peuvent pas, on restera pour l'année à 1 euro symbolique. Le but, c'est d'avoir un échange symbolique. Et après, en fonction, bien sûr, de toutes les situations, on peut passer, dans les meilleurs des cas, à 1 euro l'heure de cours, en plus de l'adhésion. Voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez des personnes de la Grande Garenne qui viennent jusqu'à vous ? Oui, parce qu'on a des personnes, un accord avec le CADA de la Grande Garenne, et donc on a des personnes qui viennent, effectivement, de la même façon que des personnes venant à Déclic peuvent demander à venir aussi à la Grande Garenne en cours complémentaire. Donc c'est tout l'intérêt. Hein. Vraiment, ce qui est très important de comprendre, c'est la bonne volonté des personnes à vouloir apprendre et à comprendre le signal qui est envoyé par nos institutions, de dire, encore une fois, si vous voulez avoir l'opportunité d'intégrer la société française, envoyez le signal que vous voulez apprendre à maîtriser la langue française. Pour autant, il ne faut pas que la langue française devienne, l'outil d'une sélection qui interdise ou qui vienne tout simplement, sans le dire officiellement, sélectionner oui, par la difficulté. Hein, quand on fait monter les curseurs, Voilà quoi. Donc c'est vraiment un problème complexe avec des intervenants, des financeurs qui ont parfois des problématiques aussi différentes, divergentes. Et il faut arriver à se regrouper pour justement faire que sur Angoulême, on puisse avoir une réponse cohérente. Et voilà. Du coup, j'imagine que la Semaine du Français pour tous, c'est une opportunité pour vous, une occasion que vous créez aussi, mais de vous rassembler entre organismes. Oui, voilà. Alors, c'est la deuxième année. La première année dernière, on avait fait une manifestation dans les rues d'Angoulême, voilà, qui avait été très sympathique d'ailleurs, où on présentait des travaux, hein, Laurence. Des cours dans la rue, voilà. Bon, cette année, pour de multiples raisons, ça n'était pas le cas. Alors, on a tous fait des petites choses. Alors, ces cartes de vœux, bien sûr. Nous, à Déclic, on a proposé une petite exposition de la problématique du Français pour tous avec des témoignages d'apprenants. Voilà, qui sont encore autrement, je dirais, plus encourageants par rapport à cette volonté d'apprendre. Voilà, mais chaque structure a proposé son animation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, vous avez l'affluence des gens du Festival de la BD pour votre exposition? Oui, alors l'affluence, ça serait bien un bien grand mot, parce que quand même la BD attire par son intérêt. Voilà, alors ça serait mentir de dire qu'on a un maximum d'influence. Non, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà en interne de pouvoir recueillir ces témoignages qui sont souvent très très poignants, quoi, très touchants. Ouais. Et on n'est pas à l'abri de proposer quelque chose en dehors de la Semaine du Français pour tous, mais pour militer quand même pour cette cause. Et après la BD qui occupe les médias, peut-être qu'on organisera quelque chose pour montrer l'intérêt et que les apprenants aussi puissent témoigner de la nécessité pour eux de continuer l'apprentissage de cette langue. Voilà. Alors, je précise que toutes les structures qu'on a mentionnées ne sont pas forcément toutes signataires du manifeste, pour de multiples raisons. Donc, nous représentons nos associations. Hein, d'accord. Pas la totalité des structures professionnalisées ou non sur le territoire du Grand Angoulême. D'accord. Donc là, pour revenir aux cartes de vœux, elles sont en train d'être écrites et il va y avoir tout un travail d'assemblage, j'imagine. Voilà, et puis de postage. De notre part, elles sont écrites, hein, ça y est. Voilà. Nous aussi. Voilà, donc on est prêts. Vous avez rempli vos devoirs. Très bien. Voilà, plus la lettre, effectivement, qui invite le député à essayer de venir à notre rencontre et si possible aussi à venir rencontrer les apprenants en direct. Là, on est absolument prêts à organiser ces rencontres pour qu'ils puissent rencontrer la vérité de ces parcours. En immersion. Voilà, pas mieux. Ouais, moi je trouve ça très intéressant et je voulais juste rajouter une petite anecdote. Moi, ma mère, elle est arrivée en France en 75 et elle ne parlait pas français et elle était avec sa communauté de réfugiés chiliens à Paris. Et ils se regroupaient entre eux et ils disaient, ils avaient du mal à apprendre un peu le français parce qu'ils disaient, mais c'est une langue complètement hypocrite. Quand tu goûtes quelque chose, tu vas dire, est-ce que ça c'est bon? Ils disent, c'est pas mal. Bon, au Chili, on sait que, selon les cultures, on a un mode d'expression qui va être différent. Et dire c'est pas mal à quelqu'un, on peut le prendre hyper mal. Et du coup, il y avait cette frontière culturelle, tu vois, de dire le français, langue de la diplomatie, tout ça, on dit les choses d'une autre façon. Et ma mère, elle me raconte souvent que ce qui lui a donné envie d'apprendre le français, c'est pas juste le français, la langue, c'est de comprendre à l'intérieur comment les gens pensent. Et je pense que la rencontre, elle est là. Et il faut, pour que les gens apprennent le français, il faut aussi ouvrir la porte, soit à se poser la question de sa propre culture, de qu'est-ce que je dis quand on se dit c'est pas mal. Voilà, c'était une petite anecdote. Alors, juste pour... effectivement, vous avez entièrement raison. Ce qu'on appelle l'interculturalité, c'est ça. Et les associations sont riches de ces échanges-là. Et ça, c'est aussi ce qu'il faut souligner. L'apprentissage de la langue, bien sûr, c'est primordial. Mais il y a ces échanges-là qui permettent justement de nourrir tout le monde. Hein. Une association comme Déclic reçoit 40 nationalités différentes. Et c'est un échange qui est assez, assez formidable à l'intérieur et que personne ne perçoit pour le coup de l'extérieur. Quoi. Mais de ce côté-là, c'est très riche. Voilà. Oui, c'est vraiment ce que disait Samira. Elle voulait apprendre le français pour s'intégrer. Et les cours de français, les cours d'écriture sont vraiment des espaces où aussi elle apprend à connaître des gens. C'est aussi un lieu de sociabilité pour des personnes qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Donc il y a beaucoup plus d'enjeux que l'apprentissage de la langue. C'est beaucoup plus large que ça. Par rapport à pendant ce temps, tout au long de l'émission, on est allé vers les gens qui sont venus dans la caravane avec tout ce mélange de cultures derrière tous ces mots qui sont écrits. Et on va vous raconter une histoire avec Marie. Qu'ils nous ont écrit les uns après les autres, en fait. Un cadavre exquis, c'est on a mis une phrase, et puis après, une autre personne a mis une phrase, et puis après, on a caché. Et en fait, les gens ont fait quelque chose ensemble sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient, et le résultat, on va vous le donner. Il est là. Il était une fois à la Grande Garenne. La vie, l'espoir des hommes et des femmes. Le loup est en Charente, que personne ne panique. Et les Charentaises vont voler et rouler à la GG. On s'est écrit pour se sentir bien. On s'écrit pour se libérer. Des mauvaises souvenirs de la vie qui peut nous empêcher d'avancer dans la vie. Et pour partager nos expériences en aidant le monde. Nous nous disions que nos expériences enrichissent bien le monde. Qui ne tourne pas toujours très rond, mais pourquoi toujours devoir aplanir les angles ? Avoir confiance en soi. Se laisser dériver. Se laisser flotter, porter par tous les sons, des voix, des bruits, des bruissements du quartier, et puis ouvrir les yeux. Lézarder les murs, défricher les esprits pour ouvrir des portes. Voilà. Eh ben... Si on s'attendait à ça. Ce sont les habitants de la Grande Garenne qui nous ont écrit cette histoire. C'était très beau. Eh ben merci, les habitants de la Grande Garenne. C'était super chouette. Et cette émission se termine ? Eh ben oui, merci. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ouais. Oui, merci à tous. Et j'aimerais faire un big up à Camille, qui n'est pas là, mais qui a passé pas mal de temps à travailler hier soir. Et donc, big up Camille. Big up Camille. Big up. Bon courage pour le travail. On se retrouve demain. Ouais, on se retrouve demain. Et plutôt crevé. Demain, émission sur La grande sur la débrouille. Eh oui. Mais non, plutôt crevé que de vendre la caravane. بلا قالوا لي بدنا نجوزك ما اقدر اصبر بلا مثل الهوى والمية صبيرني بلا قالوا لي بدنا نجوزك ما اقدر اصبر بلا قالوا لي بدنا نجوزك ما اقدر اصبر بلا مثل الهوى والمية شي صبيرني بلا الهوى والمية ما اقدر اصبر بلاها ديورني ورني ورني ديورني ورني ورني ديورني ورني ورني ورني لاني واسمار Caradoc, Caradoc, Caradoc. La Caradoc arrive. On lui apporte son épée. Radio Adoc 101.1.